Le mariage de Marie-Antoinette par Pierre de Nolhac. Le 16 mai 1770, à 10 heures du matin, les carrosses de la Dauphine, arrivant de la Muette où elle a couché, passent la grille d'honneur de Versailles. Marie-Antoinette traverse les cours du Grand Palais où l'attend sa vie nouvelle, demeure de toute cette famille royale qui lui a été présentée par le roi Louis XV la veille à Compiègne. Elle entrevoit dans le roulement des tambours les haies de gardes suisses et de gardes françaises, les têtes qui se pressent aux fenêtres. Sa curiosité de 15 ans s'intéresse à tout ce décor qu'elle a rêvé tant de fois à Vienne devant les gravures de France. La comtesse de Noailles, sa dame d'honneur, assise auprès d'elle, lui explique la disposition du château, lui désigne la chapelle de Louis XIV où elle sera mariée le jour même. Elle met pied à terre à l'appartement du rez-de-chaussée où doit avoir lieu la toilette et y retrouve, pour la servir, les dames de sa maison qui l'accompagnent depuis Strasbourg. Le roi descend presque aussitôt chez la dauphine et lui amène la seule personne de la famille qu'elle ne connaisse point encore. C'est une petite fille de 6 ans, qu'on peut recevoir sans être coiffée ni habillée, et Marie-Antoinette, avec une grâce de sœur aînée, embrasse Madame Élisabeth. Depuis le matin, les menus ont fait placer, le long des grands appartements, où on n'entre qu'avec des billets, plusieurs milliers de curieux et de curieuses en grand habit pour voir la dauphine aller à la chapelle. À 1 heure après-midi, le cortège part du cabinet du roi, précédé du grand maître, du maître et de l'aide des cérémonies. Les époux vont devant, se donnant la main, puis la comtesse de Provence et le comte d'Artois, frère du dauphin, les princes du sang, le roi suivi de madame, madame Adélaïde, de mesdames, des princesses et de la cour. Ce sont les plus somptueuses toilettes qu'on ait vues depuis longtemps, et comme il n'en a pas paru au mariage de la princesse de Lamballe ni de la duchesse de Chartres. Mais tous les yeux, toutes les pensées sont pour la princesse inconnue, qui vient donner une aimable consécration à la politique de monsieur de Choiseul. Dans ses grands paniers de brocart blanc, elle s'avance, légère et fine, le visage à peine fardé, rose de jeunesse sous ses blonds cheveux, souriant à tous, ses yeux bleus pleins d'un naïf triomphe. Le dauphin, maigre et malingre, toujours mal à l'aise dans l'habit brodé, semble plus maussade encore que d'habitude, et n'a pas un geste galant, pas un empressement pour la jeune femme qui répand sa grâce autour d'elle et soulève sur leur passage le flot murmurant de l'admiration. Dans la chapelle, sur les gradins dressés autour du sanctuaire et dans les tribunes, tout le monde se lève au moment où l'orgue éclate sous les voûtes, annonçant l'entrée du cortège. Louis XV s'arrête un instant sur son prie-Dieu. Le dauphin et la dauphine vont jusqu'aux marches de l'autel, là même où l'on voit, sur une estampe de cochin, le dauphin et la dauphine de 1745. Les usages religieux de Versailles sont tels que les a fixés Louis XIV, et c'est au même endroit que s'agenouillent, depuis un siècle, les couples princiers et royaux. L'archevêque de Reims, grand aumônier de France, entouré des évêques de l'aumônerie, va présenter l'eau bénite à sa majesté et monte à l'autel pour faire son discours. Le roi, les princes et les princesses du sang se rapprochent alors, debout autour des époux. Le prélat bénit 13 pièces d'or et l'anneau de mariage. Le dauphin met l'anneau au doigt de Marie-Antoinette et lui donne 10 pièces d'or. Après la bénédiction, le roi retourne à son prie-Dieu et la messe commence, chantée par la musique royale. Au pater, on étend sur le couple uni le poil de brocart d'argent. La messe dite, le grand aumônier présente au roi les registres de la paroisse Saint-Louis, que le curé a portés selon l'usage. Louis XV signe l'acte de mariage avec les princes et princesses de sa maison en face des signatures de Marie-Antoinette et de l'ambassadeur de l'Empire. Puis, tandis que le clergé signe à son tour, le cortège se reforme dans le même ordre. Il y a encore plus de 5 000 personnes entrées pendant la messe dans les grands appartements et la galerie. Mais les tentures du Salon de la Paix sont à peine retombées derrière la dernière dame de la Dauphine que les Suisses font évacuer toutes les pièces afin de les disposer pour le soir. Les tapissiers des menus retirent les gradins, placent les barrières, dressent les tables pour le jeu du roi. Marie-Antoinette prend possession de la chambre royale, où elle doit rester jusqu'au 6 octobre 1789. inhabitée depuis la mort de Marie Leczinska, on l'a repeinte et remaniée pour la jeune dauphine. Elle a le plaisir d'apercevoir, aux angles du plafond, les armes d'Autriche qui s'y trouvent depuis la reine Marie-Thérèse. C'est là qu'elle reçoit le serment des officiers de sa maison. Aumônier, chapelain, chevalier d'honneur, premier écuyer, premier maître d'hôtel ordinaire, surintendant des finances, domaines et affaires, secrétaire des commandements, intendant de la maison, trésorier, maître de la garde-robe, c'est un grand défilé de révérences et d'hommages. Monsieur de Saint-Florentin, ministre de la maison du roi, nomme et présente. Puis le duc d'Aumont, premier gentilhomme du roi en quartier, s'avance au nom de son maître, une clé d'or à la main, et Marie-Antoinette ouvre le cabinet de velours rouge, brodé d'or, qui contient la royale corbeille. Sculpture de Botiardi, ébénisterie d'Ebald, ciselure de Gouttière, le coffre est une merveille et a coûté 22 000 livres. Mais la princesse a surtout hâte d'en connaître le contenu. Les présents du roi, qui a déjà offert à la muette tous les diamants de l'ancienne dauphine, sont une parure d'émail bleu avec chaîne de diamants, un étui de côté, une boîte de poche et un émantail entouré aussi de diamants. En tous ces objets, l'art parisien s'est surpassé pour la dauphine. Dans les tiroirs du cabinet, la princesse trouve, tout étiqueté, des objets de souvenirs, tabatières, montres, boîtes, qu'elle distribue elle-même aux personnes présentes, toute charmée des joyaux et des ciselures qui réjouissent ses yeux et ses doigts, toute fière d'être conviée déjà à faire tant d'heureux. Dès le soir, les fêtes du mariage commencent. Le programme annonce 9 journées. Voilà 3 ans qu'on s'y prépare et que l'administration des menus du roi, celle des bâtiments, messieurs les 4 premiers gentilshommes, l'intendant La Ferté, l'architecte Gabriel, sans parler de la duchesse de Villeroy qui se mêle de tout, étudie les moyens de faire plus somptueux qu'aux autres mariages. On a consulté les traditions, dépouillé les comptes, compulsé les récits. L'argent est rare, il est vrai. Les ouvriers des menus restent impayés. Les profusions de M. de Choiseul et l'expédition de Corse ont vidé le trésor. Malgré cela, l'honneur du roi étant engagé, on recevra magnifiquement Mme l'archiduchesse et on espère léguer au siècle que doit vivre la monarchie des modèles définitifs pour le mariage des futurs dauphins. Le jeu que tient Louis XV dans la grande galerie le soir du mariage, nous y assistons dans l'estampe de Cochin gravé, 25 ans plus tôt, pour une circonstance semblable. Les modes ne sont point si changées que les jeunes femmes de la cour d'alors ne puissent s'y reconnaître aujourd'hui, la plupart montées en charge et la poudre dissimulant leurs cheveux gris. Les lustres ont été multipliés et de hautes girandoles sont posées sur les plus beaux guéridons à portée du garde-meuble. Les dames qui ne jouent pas occupent des gradins le long des arcades de glace. À quelque distance des fenêtres, d'un bout à l'autre de la galerie, court une balustrade derrière laquelle les Suisses font circuler la foule. On arrive par le salon de la guerre, on passe devant les petites tables de cabagnole éclairées de 2 bougies et la grande table royale où se joue le lansquenet. On regarde Marie-Antoinette assise à la droite du roi et qui s'amuse véritablement, et on sort lentement par les anciens appartements de la reine, disposés pour elle désormais. La file curieuse ne s'interrompt pas. L'ordre est maintenu dans le château par une consigne aussi rigoureuse que libérale. Tout le monde entre, s'il est décemment vêtu, mais on doit suivre sans rétrograder l'itinéraire fixé. Un orage très violent éclate, il est vrai, dans la soirée, l'orage symbolique que les historiens d'imagination transporteront au moment de l'arrivée de Marie-Antoinette à Versailles. La surprise cause quelques désordres. L'immense public de promeneurs, venus pour le feu d'artifice dans les jardins, reflue vers l'intérieur pour s'abriter et force quelques barrières au rez-de-chaussée de la chapelle. C'est peu de chose. Le plus fâcheux est que le feu a été mouillé. Le roi ordonne de le renvoyer à un autre jour, lève le jeu et se rend au festin dans la nouvelle salle de l'opéra. C'est une salle achevée de la veille. On a voulu la faire digne de la cour de Versailles qui en manquait et l'approprier à des fêtes de divers genres. On y a répandu toutes les élégances du temps, tout le luxe de l'ensemble et du détail, sculptures de pajou, plafonds de Durameau, tentures de velours bleu frangées d'argent et d'étoffes brochées de même couleur, portiques de glace aux galeries hautes reflétant l'illumination, hauts et bas-reliefs d'or mat, partout les symboles des arts et des jeux. Le souper royal sert d'inauguration. La table compte 22 couverts, seulement pour la famille de Louis XV et le sang royal. Elle est entourée d'une balustrade qui sépare les officiers de service de la foule des spectateurs, incessamment renouvelée, suivant l'usage du grand couvert. La cour occupe les loges et les galeries étincelantes de diamants. Sur l'avant-scène, au-dessous de l'écusson de France soutenu par de grandes renommées, deux salons latéraux, fermés par des portières bleues et argent, permettent le service par le fond de la scène. Au milieu, s'ouvre un grand salon de musique dans le style de la salle. Sous l'arcade décorée des chiffres du dauphin et de la dauphine, on aperçoit M. Rebelle, surintendant de la musique du roi, son bâton d'orchestre à la main, et sur les gradins 80 symphonistes qui jouent sans interruption pendant les 2h30 du souper. 20 ans plus tard, un autre souper célèbre, et le dernier, aura lieu dans la même salle, ce banquet des gardes du corps, le 1er octobre 1789, où la reine sera acclamée et qui provoquera les journées révolutionnaires. La vie de Marie-Antoinette à Versailles bat d'une soirée à l'autre, et son souvenir est inséparable de cette salle construite par Louis XV pour son mariage et inaugurée par ses premiers triomphes. La cour retourne aux appartements par la galerie haute de la chapelle. Les curieux sont rangés, comme toujours, dans les salons. Et les musiciens des gardes françaises et suisses, en habits à la turque, jouent au passage. On conduit le dauphin et la dauphine dans leur chambre à coucher. La bénédiction du lit est faite par l'archevêque de Reims. L'époux conserve, à l'étonnement de tous, cet air d'indifférence et d'ennui que Marie-Antoinette a la bonne grâce de ne pas remarquer encore. Le roi, gravement, donne la chemise à son petit-fils, et la jeune duchesse de Chartres, mariée d'une année à peine, la présente à la princesse. C'est la 5e fois à Versailles que dans la chambre des reines et des dauphines s'accomplit le cérémonial du coucher de noces. Le lendemain, jeudi, la cour se repose dans la journée. Le dauphin regrette de ne point chasser et inscrit sur son journal intime la fameuse note « Rien ». La dauphine reste dans ses cabinets sous la garde de Madame de Noailles, qui multiplie respectueusement les leçons d'étiquette française. L'abbé de Vermont, messieurs de Starembert et de Mercy ont accès auprès de l'archiduchesse. Des intrigues déjà se nouent autour d'elle pour la séparer de ses amis d'Autriche et l'enfermer dans une coterie. La petite princesse n'en sait rien et ne comprend qu'à demi les conseils maternels et politiques qu'elle vient de recevoir de Vienne et qu'elle relit. « Madame, ma chère fille, vous voilà donc où la Providence vous a destiné de vivre. Vous trouverez un père tendre qui sera en même temps votre ami, si vous le méritez. Ayez en lui toute votre confiance. Vous ne risquez rien. Aimez-le, soyez-lui soumise, tâchez de deviner ses pensées, de vous tenir seule à lui et d'attendre surtout ses ordres et directions. Du dauphin, je ne vous dis rien. Vous connaissez ma délicatesse sur ce point. La femme est soumise à son mari et ne doit avoir aucune occupation que de lui plaire et de faire ses volontés. Le seul vrai bonheur dans ce monde est un heureux mariage, j'en peux parler. Tout dépend de la femme, si elle est complaisante, douce et amusante. » Marie-Antoinette voudrait obéir à sa mère, mais elle commence à craindre que le dauphin ne soit difficile à amuser. « Pourquoi a-t-on choisi pour donner à la dauphine une première idée de l'opéra français, la vieille et froide pièce de Quino et Lully, percée ? On l'a, il est vrai, rajeunie sans scrupule et réduite à 4 actes pour augmenter les divertissements afin de profiter de tous les progrès de la danse. Ces divertissements ont exigé de nouveaux airs, et les 4 surintendants de la musique de Sa Majesté n'ont pas hésité à renforcer, comme ils disent, l'œuvre de Lully. M. Joliveau s'est chargé du poème, qu'il a coupé, taillé et recousu. On annonce qu'il a amené au 3e acte un ballet délicieux pour l'enchantement des Gorgones et inséré ingénieusement dans le divertissement final une allégorie pour Madame la Dauphine. Rien n'a été épargné pour la nouveauté et la richesse des décors. On compte sur un ensemble fort agréable, surtout quand on a, dans les ballets des danseurs comme Vestris, Gardel et d'Auberval, des danseuses comme les demoiselles Gélin et Guimard, et le rôle d'Andromède, tenue par Sophie Arnoux. L'échec est pourtant complet. La pièce, qu'on n'a pu répéter que deux fois, manque d'ensemble. Les ouvriers du théâtre ne connaissent pas bien la nouvelle scène, trop grande pour leurs habitudes. Les décors manœuvrent mal. Enfin, la musique, si rajeunie qu'elle soit, reste monotone, et les raccords de M. Joliveau ne valent rien. Un grand ennui envahit la salle, et la dauphine ne cache point qu'elle y succombe. Il est vrai, consigne l'intendant des menus en son journal, que c'est un opéra bien sérieux pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le spectacle et qui n'aime pas la musique. Ce n'est pas aimer la musique, à coup sûr, que de préférer Gluck et Mozart à M. d'Auvergne et Francoeur. Le samedi, à 2 heures, le roi, la dauphine et la cour se rendent encore à l'opéra pour le bal paré et trouvent l'immense scène transformée. En quelques heures, les ouvriers des menus ont improvisé un vaste décor à pans coupés, à triple étage de galerie, aux arcades tendues de brocart bleu à franges d'argent. Des groupes d'enfants en bas-relief d'argent soutiennent les emblèmes du dauphin et de la dauphine. Des guirlandes suspendent aussi des trophées d'argent, et de grands médaillons peints montrent des amours jouant avec des dauphins et des aigles. Dans les voussures, 4 grands tableaux racontent l'histoire de Psyché, et le plafond, par Briard, représente Psyché conduite par l'amour au rang des dieux. La description complète de cette salle de bal improvisée serait longue. Il y en a 10 pages dans le Mercure. Le côté de l'avant-scène reste ouvert et laisse voir une seconde salle aussi brillante que celle où danse la cour. C'est la ville, munie des billets de M. le duc d'Aumont, qui en garnit les galeries et les loges. De partout, les invités embrassent la scène où se meuvent dans les symphonies de l'orchestre les danseuses en grandes boucles et les danseurs en cadenettes. Les jeunes époux ont ouvert le bal par le premier menuet. Le dauphin était plus gauche que jamais et intimidé par tant de regards. Marie-Antoinette, au contraire, a recueilli de nouveaux suffrages. On a trouvé qu'elle dansait à ravir et faisait honneur à ses maîtres français de Vienne. Malgré l'éclat de la fête, beaucoup de personnes font remarquer l'absence de gens haut titrés et mettent en chemin les médisances. La dauphine ignore les jalousies et les colères qu'une demande de sa mère a jetée au milieu de cette cour, où la lutte pour les moindres privilèges est acharnée, où les affaires d'étiquette sont vite des affaires d'État. Les représentants français de la maison de Lorraine, les princes étrangers, comme on les appelle dédaigneusement, ont fait demander par Marie-Thérèse, pour le bal paré, des distinctions particulières. Le roi a décidé que Mademoiselle de Lorraine danserait avant les duchesses, immédiatement après les princesses du sang, et M. de Lambesque aussitôt après les princes. Les ducs et pairs se sont aussitôt réunis chez le plus ancien des pairs présents à Paris pour adresser une protestation à Sa Majesté. Le plus ancien père s'est trouvé un prélat, M. de Breuil, évêque et comte de Noyon. Cet homme d'église a gravement présidé une discussion sur la danse et s'est chargé de présenter le mémoire au roi. Beaucoup de membres de la haute noblesse y ont adhéré par signature. Louis XV, très embarrassé, toujours hésitant, a promis de réfléchir, consulter Saint Florentin, et s'en est tiré de la moins digne façon en répondant au duc et père une lettre entortillée où il explique la demande arrivée de Vienne et fait appel à l'esprit de soumission et d'affection de ses sujets. Cette lettre est fort commentée et toute la soirée du bal, sous les éventails, le roi est un peu moqué. Les destinataires l'ont moqué davantage. Tous ceux qui n'ont pas charge de cour et peuvent à la rigueur se dispenser de paraître sont absents. La plupart des dames sont arrivées en retard, mandées par le roi, et montrent clairement qu'elles dansent par ordre. Cette leçon donnée à Louis XV, si Marie-Antoinette était avertie, pourrait n'être point perdue pour elle. Elle y apercevrait, dès à présent, un des grands dangers qui l'attendent. Elle y sentirait la force de ces tenaces rancunes de cour qui doivent la perdre. Pendant ce temps, au dehors, la fête populaire bat son plein. 200 000 personnes, venues de Paris et des environs, remplissent presque le parc immense. On danse aux orchestres installés dans les bosquets. Un cortège de bateleurs du roi, en habit blanc, avec écharpe rouge et bleue, parcourt les jardins, musique en tête, mettant l'entrain et dansant partout. Le soir venu, la foule, maintenue par des gardes suisses, entoure les bois du feu d'artifice qui occupe le bassin devant le château, le parterre de la tonne et une partie du tapis vert. La famille royale et la cour, revenant du bal paré, prennent place dans la galerie. Le roi, debout, ayant près de lui la dauphine et appuyé sur le bras de monsieur de La Ferté, se tient à la fenêtre du milieu, grillé de peur d'accident. Le feu, quoique contrarié par la fumée, excite des applaudissements prolongés. Il est rempli d'effets nouveaux. Le disque des soleils porte les armes de France et le chiffre des époux. La girande finale compte 20 000 fusées, ce qu'on n'a encore jamais vu. Moins d'une heure après, toutes les charpentes sont à terre, toutes les batteries enlevées, et l'illumination commence. On aperçoit d'abord, tout au bout du grand canal, du côté de Saint-Cyr, une haute architecture de feu, le temple du soleil. Puis les longues berges s'éclairent peu à peu, tandis qu'une flottille de gondoles, couvertes de lanternes, se met à évoluer sur l'eau au son des cuivres des gardes françaises. Les feux se rapprochent et gagnent le tapis vert. 160 000 lampions et terrines s'allument en ifs, en arcades, en guirlandes. Les lignes du château et des rampes se dessinent en cordons lumineux. C'est la plus grande illumination faite à Versailles depuis celle du grand roi. La foule parcourt toute la nuit les terrasses et les 12 principaux bosquets décorés et reliés par des allées de feu, l'île d'Amour, la colonnade, les dômes, les 3 fontaines, etc. De nombreux dauphins lumineux rappellent l'occasion de la fête et le jeu des eaux, partout lancé, multiplie le jeu des lumières. On danse à la salle des marronniers, sous des lustres suspendus entre les arbres et la salle de bal étincelante de girandoles où des feux brillent sous les roches derrière les nappes d'eau tombante. Des théâtres en plein vent sont installés à la grille du Mail, au bassin des saisons, au bosquet dauphin. La troupe de Nicolet mêle à ses voltiges et à ses danses de cordes des parades de circonstances en l'honneur du dauphin et de la dauphine. À toutes les allusions de ce genre, les vivats éclatent. Quand Marie-Antoinette traverse en carrosse les jardins pour voir de près les illuminations, la joie populaire lui fait une longue ovation. Elle goûte, pour la première fois, ces ivresses de l'enthousiasme parisien qui lui seront prodiguées pendant 10 années. Autour du bassin d'Apollon, où les eaux ne s'arrêtent pas, 2 mets couronnés et fleuris abritent des orchestres et sont rapidement entourés de danseurs. C'est là le vrai centre de la fête. Moreau le Jeune l'a choisi dans son grand dessin du Louvre qui met en pleine vie cette foule nocturne, bruyante et joyeuse, populaire avant tout, mêlée pourtant d'habits de cour et de robes à paniers, traversée par les carrosses du roi, par les chaises roulantes des femmes de qualité, partout éclairée du reflet des ifs de lampion et des feux de Bengale allumés dans les groupes. Les dieux marins, qui soufflent dans des conques autour du char d'Apollon, sous la grande gerbe d'eau lumineuse, semble sonner à tout ce peuple en liesse les fanfares d'un règne nouveau et d'une espérance nationale. Pierre de Nolhac.